naho buri umugabo ufise ivyawe ruguru ubatse naho ufise imbyaro zingana gute nyoko buja guma kubona yuko umenga urumucavu ibishobotse ama radio yo dufashe n'umuntu wasanga ariko arakubitwa azira ubusa niyo babibonye nta kimwe bavuga umenga nta kimwe bibatwaye isanganiro kaze mwese bakunze ibikiganiro ahiwanyu havugwa make Ahiwanyu havugwa maki ni kiganiro kibaha kanya ngo mutuyagire ayo makuru yabaye ngahi wanyu amenyesha makuru batamenye ngo bamenyeshe canke ayo makuru kubganyu atashikirijwe neza kuri radio isanganiro tugira tuti ibintu vyiza bimenyekanye abavyumva barabifatira ko bikaba karorero gutyo iterambere ligashwara igihugu cyose ibintu bibi navyo bimenyekanye ababikora bari kubitagashi bakabiheba canke abagira ico bafashije bagahaguruka kugira ngo ibintu bihinduke umumenyesha makuru kandi ntashobora kuba hose canke ngo amenye byose kuri radio isanganiro rero tubasaba kuba abamenyesha makuru baho muherereye mukibera igisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikazi ndabahaye mwiriwe nshuti bakunze ibiganiro vya handi y'isanganiro ikaze n'igwanyurira muri kino kiganiro ahiwanyu havugwa maki co kuri no wa mbere igenekeza igandwi ruho mu mwaka 2022 ahiwanyu havugwa maki kuri mikro ni Eline Bel nibigira muhinga bw'ivyumandiko mfashwa na Eric Adogo mutubwira ayo makuru tutamenye ngo tumenyeshe muratwakura kuri 76 83 333 561 ','','================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ tutamenye mudutunge kandi kuri no minota 10 twacerewe ku mwanya wari wagenewe kino kiganiro kubera ko haba hari urutonde ruba rwabaye rurerure mu bijanye n'amatangazo ku isaha rero zibiri n'iminota 13 turindiriye udutelefone twanyu umunywanyi wa mbere ku murongo mwiriwe neza mwiriwe neza nashoye kuma ku murongo undi munywanyi ku murongo mwiriwe neza Aro mwiriwe neza nenda twakuye ari Eric twakuye ari he Gihanga Zeti Igihanga Ayo makuru tutamenye ngahe igihanga ga Eric naya Eric uhagarare neza kugira ngo twumvikane Hello Nashoye kuma ku murongo Sazi bize yange minota 14 2025 7 4 6 2 ushobora kandi kutwakura kuri 6 1 83 mwiriwe ninde twakuye ari yaka numuntu wari wa radio isanganiro aha iko ndayize itinari ndiburasa ahantu mukanda ndayizeye Gerard siniko nakumva ariko reka mfate inari itinari Juvenal iyi iburaza namahoro ga Yuvin akirima nokuzo amakuru tutamenye hano kuri radio isanganiro ngo tumenyeshe nayahe yabaye ngahe iburaza amakuru cyane kuba kuge mhm abakuru azanye namakwire kumarazi Mhm. Bisa makiti radio pe cyaba ingorane cyane. Mhm. Kuba ino muti se yuma radio ndimo itsetsiru. Mhm. Kuba igura makanti gende na majana. Mhm. Kuba bimeka na kumapira abiri kuba karaje kaje na mapira abiri ba bibiri na majana. Mhm. Cyo kindi kibaza hantu cyo wati. Mhm. Utubarita kugira ngo tumenye impamvu guko rema ubukubiritsanirage biratugora. Karamapire abiri mwahora muyagura ngaha Ubu naho ageze kuranga? Igihumbi na majana atandatu. Igihumbi na atandatu. Ni ukuvuga ko yiyongereye amafaranga arenga igihumbi. Ni n'amafaranga arenga igihumbi ashika ku gihumbi nabi. Ibibiri na atandatu atakira. Ni hari ikibazo bababwira abo badandaza bababwira igituma ayo mapire bayadugije ku giciro nk'ico. Kuvuga bwe nk'ano mereye barangurira igitego. Mhm. Iyo ni soko kicho akubira iko mapire ya kenye mu ya kenye n'iyo bibigo. Mhm. Ari na twa bine. Tuke bafu. Mhm. Alo. Alo. Mhm. Mhm. Yego. Urakenuye cyane. Bamugira amahoro kuri cyane. Namwe ijoro ryiza ngahiburatse. Isaha zibirizira irenga iminota 17 muri seza handiyo isanganiro. Eli Nibera nibigira ndi kuri micro muhinga bw'ivyuma hari Eli Kadogo. Turacane ndiruza telefone twanyu twakure kuri 2025 4375 mwiriwe. Mwiriwe neza. Haro. Nyinda twakuye. Ikina bayi. Thierry. Itiye imabaye muri gusahana. Itiye. Yego. Itiye namahoro ngahe mabaye. Yego, kuri radio television isanganiro ni mahoro. Twebwe kuri radio television isanganiro tumeze neza. Yego. Amakuru yabaye ngahe mabaye. Jackson bahati na Alexis na yatatamira. Mhm. Nayacanye n'uburi n'ubworozi. Mhm. Biraboneka ko abantu ibitungo batabise mu rupangu nk'uko bari babise mu mategeko. Mm. Biraboneka ko hari abantu n'ubu bagishira ibitungwa mu gahinga bikononera abanyagihugu. Mm. Ama ikindi nacyo nuko ingitekwa cikahwa. Mm. Mu by'ukuri leta ariko ikureba ko ikongeza andi mahera biraboneka ko abanyagihugu ntibakiyitaho cyane kuwe. Mm. Biraboneka ko mu mihana myinshi ikahwa ariko riragenda kandi cyari igitegwa kizana amadevize amahera agaciro menshi. Wowe nk'ubu gahitiye ubivuga ufatiye kuki urabona ibipimo byinshi byoba byarahebwe abantu batakija kugirira neza. Biraboneka ko abantu batakikorera amakahwa iwabo. Kandi gusa birumvikana nta kuntu ikiro cy'ibiharage cyo kuri 200,000. Ama ikiro cyikaba nacyo gukiza kuri noti 1,000. Murumva kuko nta gaciro ifise. Ibyo rero nkafata byose rero leta. Bokore bo kuki bokongeza kandi amafaranga ku kiro cyikahwa. Urako ndakumva neza iti. Yego. Urakoze cyane. Ikindi nacyo rakwa kwa kumenyesha. Mhm. Ni ikintu kitari abantu bashinga ntahe. Mhm. Ugasanga umuntu asanze nk'aho umuntu akagurisha itungo. Mhm. Cyangwa bakuba kugura amatungo. Mhm. Bagashabaza ngo baje kuraba. Mhm. Ako bakagenda no kuba bashaka inzoga gusa ngo bamwe inzoga. Mhm. Kandi abo babatuma kugunya baba aho bari nk'amatari. Mhm. Ati ndetse abantu bayagenze gute. Mhm. Ugasanga ntashobora kuba bumenya na kirimbi cyane uracanye ku byagenze. Mhm. Abo rero nifatuye abanyagihugu rero. Mhm. Bapfiye kwiheba kubera kuko. Mhm. Umuntu w'umushinga ntayagiye akakubera icyabona. Mhm. Afiye kuvugisha ukuri atamari ku byagenze kuko apana kugenzwa. Mhm. No kunywa inzoga gusa byo nyine. Mhm. Eh kuba yagiye usanga batanze nk'ikuru kuri inzoga ati kajya dasomye ko. Mhm. Ariko ntazugaruka bumenye iko ibintu byagenze. Mhm. Ikindi nacyo nabasaba kuri radio isanganiro yego iki kiganiro mwari kumwongeza Nashe guma ku murongo iti ariko yakravuga ati kino kiganiro cyongerezwe umwanya ariko uko biri kose umwanya isaha yose ntibari nto no kuyikoresha uko nyene nihagera naho ko umwanya wongerezwa zoheza ababijejwe zaheza barabe ingingo bofata mwirone mwirone ninda twakwerihe ni nitwandire y'Imana Polo ngaha ibugendana Polo ibugendana n'amahoro amahoro amakuru tutamenye ubugendana naya hegapo amakuru mutamenye naya aye urumba na tombo di moto muri bimwe bya biba urumba igihe gihagiye ni kinini ya ariko nta nyinshi mbona bariko barampa igihe na telefona ntibitaba ni haheze gihe kingana gute gapo urumba ni kuva mu kwi 11 itariki 14 urumba ikiringo ni kinini ya bari bampaye ukwezi konyene Nashaka nyomba banyumva n'ukuri naho ndumukene babingiremwe n'ukuri ndayironka. Abo bari baje kutunganya ivyo vyo gutigira bo bari bavuye nko muri za Burundi gitega cyane n'abari bavuye Bujumbura. Nabari bavuye Bujumbura urumva ibirori byabereye ngahe gitega ku ngoma ba. Urumva ko bico gihe n'ubu ntasha. Nta nyinshi tomoye barama. Ugona gomba nyomba namba banyumba kweri bafashe naho ndumukene imana yobahezagiye ariko none wowe iyo moto watomboye ushitse nko muri nko mu bisata bya Burundi ngahe gitega wakwishura gute najayo numve gusa bari bampaye ikiringo cy'ukwezi ni nomero nzandabaza ko baragiye impaye Urakoze cyane Paul twizere neza yuko iyo moto watsindiye zo hebuka iro. Yanga zo kwikubita twa yimpe sinzi. Yego ndarindiriye nyomba banyumba n'ukuri bo babakoze. Urakoze cyane. Sawa sawa. Ijoro ryiza ngahe bugenda. Saha zibiri zirenga iminota 22. Mwiriwe. Mwiriwe. Ninda twakuye ari he? Hello? Ninda twakuye atwakuye ari he? Bo ninde ubayo gise ano ku mutumba arashima mu gakimbiri kamura muri komine mugi muri komine mugira n'amahoro gawe gise asha n'amahoro kwe n'amakuru radio isanganira itamenye yabereye ngahe mugina naya bo no kuvuga reba bishatse n'ama nashize kandi bano menga kira kirampanze yaduhanze cyane mu gakimbiri kamura Davise mwarahitananye ngo mubaze abajejwe intwaro canke abajejwe ibisata bya Regide zo ngaho mu cibitoke ngo basigurire aho ikibazo shoba ki asha ahamwe ngirango nyakati nuko tuva mu misozi cyane ngira niba nkabana na twibagiye ahubwo hamwe baba bariko basumbiriza baba bariko bumviza nk'ibicwe nukuri bodufasha bakaduhaye amazi tunywa amazi mabi cyane ariko abigeni kibazo nari mfise ndavize ikibazo twebwe nka twebwe turabarimye mugabo ko ndabona ibiciro by'isuka byaduze isuka kugura 12 bari bakwiye kutwohereza nka zimwe z'abantu bato bato isuka turikuri 5000 kuko twebwe n'icyo kibi ko mu by'ukuri niba leta hari uruhare Nashe kuma ku murongo Auguste ngaho imugina ariko rekaba ku musuka ibihumbi 12 nari nifuza kumubaza ayo yahori kugwa ngaho muri mugina Nashe kuma ku murongo twizere ko aza kugaruka yaramenje wishi We are in duty. Who got on your turabarundi tukavuga ikintu mwiriwe neza. Hello. Ninda twakuye twakuye ari he? Amahoro. Ninda twakuye? Nende. Nashimye bahe none. Inde? Inima ndi yabira amari bishyirare. Ermenegil dengahinya biraba namahoro. Ego. Amakuru ya vuzwe ngahinya biraba tutamenye naya. Ya makuru tuvuye dufite ino nuko ubwambe dushira abategetsi ba bitanze cyafate. Mhm. Ama ukuntu idutwara neza twakiri mahoro n'umutekano. Mhm. Ama mugabo ikibazo ifite nk'abanyagihugu bato. Mhm. Nuko ibintu byose cyiro byandu. Mhm. Ah uhereye umuciri ukagenda bigori ama nyine cyubahiro Evariste yari yavuze yuko ibigori abishyize ku gice cy'amajya atatu na mirongo inani ariko ubu urazi akari ukubuku igihumbi n'amajana atandatu iniwacu ukaraba ibintu byose yaba amasabune ibintu byose byazigiye abanyagihugu ntitugire ayo dushyira n'ayo tumira mu muti wa muto ntaronka atumisha ejo twasaba ko igihugu cyacu kiri mu mahoro n'umutekano ko abantu abashikiranganji bakeke izi budandaji ko bogira ikintu bakoze kuko twe ntitubona igituma ibintu byose bigukubisimba kandi dufise indongozi nziza kandi zishoboye ni ukuri kw'imana ntibarabiinatapfuye nuko abanyagihugu yego urakoze cyane yamenejirinda yego murakoze bana mugire ijoro ryiza ngaho inyabira sawa sawa saha zibiri zirenga iminota 27 ku isanganiro mutwakure kuri 2026 ubusa kabiri mwiriwe alo mwiriwe neza mahoro ninda twakuye twakuye ari he ndi kumana merasi merasi twakuye ari he ikigamba mutumba wa mashinga ikigamba mucankuzo n'amahoro ejo sinagomba gushyikiriza ku makuru mutamenye ndakumva neza merasi amakuru mutamenye n'imidahanya n'imvura nyinshi yononye imirima kweri bashiraga ibyabaze kweri nta nyihora ego kweri hoba hononekaye nk'amahegitari angana guturara ni ukuvuga ibiharage byononekaye nke kubera imvura nyinshi abantu babuze aho babisoromera ikindi nacyo n'ikijyanye n'ibisinga ni ukuri burema leta yari ikwiye kuraba ikadufasha abantu bato bato twahagirira ikibazo gute mu biki mu kijyanye n'isukari ego kweri burya ntibyoroshye ntibyoroshe gute tomora neza mera ntumva ikiro cy'isukari cyahora kivuze n'amahera hejuru ntego kwezi twasabaye gutangira kubuza ndabaka ibiciro ngo byabaye nabi isabune umukuru w'igihugu yari hejuru kugira korona ngo itangare ariko bigeze ku mafaranga magana ane ego kweri leta yari ikadufasha kuko abana bato bato twahagiriye ikibazo urakoze cyane yemeye sawa ijoro ryiza ijoro ryiza utiyambawe ngaho imashika mwarimu maze iminsi mubaza ivya World Remit eko kenshi yarabumvise World Remit yagarutse bwira inshuti ziri mu bihugu bya Buraya n'Ubufaransa Ububiligi Suede Norvege muri Aziya nka Oman Arabie Saoudite Qatar muri Amerika muri Canada Australie Nouvelle-Zélande eka no muri Afrika nka Cameroon Afrique du Sud Senegal n'ahandi ko bashobora kubarungikira amafaranga byoroshye cyane baciye kuri wezi tatu akaburungu World Remit Dreamit akabrungu kome agashikira muri Eco Cash yawe icyo ukora umubwira amazina yawe ni nimero yawe ya Eco Cash ngabigenza gute mu kuyarungika aja kuri internet akandika wezi tatu akabrungu wodreamit akabrungu kome kugira yiyandikishe ivyo biheze acahita mu gihugu arungikamwo nuko warungikiye yatora nukuvuga mobile money ivyo biheze nyene kurungika acashira mu birango warungikiye hama gacha yemeza irungika rimara kanyi sase na cyane cyane ko urungika byose bikorera ku telefone yiwe atarinze kuva hari Eco Cash yaje hageze Rama Production barundi barundi kazi nidukunda igihugu cyacu mu kugarukira karangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga nitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusuzya nuko ikaba ingingo yabo bayundi wabukunze kurusha abandi kwisaha zibirizirenga iminota 31 muri Sudan handi isanganiro karimbo ni Burundi ka Sportsman mwiriwe ninda twakuye ari ninda twakuye gaye Hello ndakumva neze jana kwijana ninda twakuye eh ndagije mwiriwa ninda twakuye yambo neze Hello ndakumva neza ninda twakuye yego ndi Claude ndi ugenda ne Claude ugendana n'amahoro yego turashima amakuru radio isanganira itamenye ngo imenyeshe ngaho ugendana naya yego twafise ecofo nganda ya kabiri Hello ndakumva neza bandanya Claude Turafise ikibazo re cabari mu ubu ntibacigisha birirwa mu bubare igihe cyose kuva umwanya wari wose diregiteri niwe wabajya imbere ubu re turabona abana bacu bigiye kugorana kubera ukuntu biga n'ikibazo n'ukuri davyo turabiye bikubita agashi birarenze rwose urugero saa yine baba bagiye mu kabare biratubabaje rwose ababyeyi biragoye kwezi none ga Claude izo muvuga murabifitiye ibyemezo muramaze kuja kuraba mugasanga abana ntibariko bariga canke baca bataha tubifitiye ibyemezo bikomeye rwose umwanya wari wose n'uyu munsi akabarorero byabaye n'uyu munsi bimaze iminsi bimaze indwi yose ariko bimeze byagenze gute tomura neza baca baja mu kabare saa yine abana bagataha bidoga yego ibyo n'ukuri rero nibyo fitiye ibyemezo maze iminsi mbona rwose Ego biratubabaza kuri bo kwikubita gashi. Ego amakuru ndashigiza nayo. Urakoze cyane Claude. Ego. Isaha zibiri zirarenga iminota 33 muri Sudan handi isanganiro. Turasharindiriye telefone twanyu kuri 2024-2466-2 muraza kututora. Ekanita ndatu na rimu musami nongo muna na gata tamajani chenda mungu tatu na gata tumirio. Ngiri wenez? Ngiri wenez. Nide tuwa kwe tuwa kwe rihe? Ndiwe mbuse iya mila kusari la hati. Ama harakani kabazo kwa kibu kutikite. Are uku kiangani kima chongo. Gagari kini janye kupandika. Ije matongo. Wakula naba Ivuga yuko mu cyiko ya mbere kigenza ngo bari kiganiza bashaka muri umwaka. Ama abantu n'igihugu bato bato cyangwa abantu bane bari kwa amatongo. Ubure ni bayandika ni bari ko bavuze ko kubiha ngo kwa mbere abantu bose bavuze amatongo muri umwaka uheze. N'ubu ni twa yandika. Leta ndadishije ndashaka abantu bize amatongo cyangwa abantu twasaba telefone kuri ya mu buryo umuntu agongo ama akadi murakoze murakoze cyane ya manager yego mutya isazi birizirenga 34 ku isanganiro mwiriwe nashoye kuma ku murongo ariko ashobora kugaruka twakuye kuri 75 amajana 983 canke 631 ubusa 83 933 kuri 2025 43 75 muradutora tankomanzi eka ni 2024-2646-66 ubusa 2 utwo telefone twose turuguruye Mwiriwe neza. Amahoro cyane. Ni ndatwakwiyari he. Joseph Karo kimunyabikere ko mbabaze mu magara. Joseph ngahinyabikere namahoro. Yego tirashimye. Nduga ku ijambo yoze. Nagomba kuvuga ku kijanye n'itangwa ry'umwaka. Mhm. Nkuri na mwaka byagenze neza uno munsi bawutanze mu nyabike. Mhm. Nugushimye ingene bawuzanye hakiri kare nta bindi. Mhm. Ego baze bahore babikora nk'uko nyene. Mhm. Kugira ngo umuntu atahora atera hakiri kare. Mhm. Ego nukubashimira kubera abategetsi bacu ingene babihinyanyiye ni vyiza. Urakoze cyane Jose. Ego ama kwisanganira naho kuva ryari ivuga nabi sinzi igituma natwe ntahe ni radio twumviriza atabisangarire kugira tunezere. Mm. Murabe kweri murabe niba ari ivyuma vyashaje mu bisubirira. No nico co kwihutira turiko turaraba kumbure abahinga barabe ikibazo gishobora kuba kihari kugira ngo umusore mutwumve neza kuko uko mudukunda natwe niko tubakunda. Ego mugire beheje zaho kwisangane. Urakoze nawe. Mwiriwe neza. Halo. Mwiriwe. Namahoro. Ni nde twakwiyari he? Nibazomora atuye mu ntara ya Muyinga zone mu Ntagara. Venera mu ntara ya Muyinga ni muri komine Muyinga nyine. Sa. Venera ni muri komine Muyinga. Mhm. Tunga kwija. Oke je nante ndi munwanyi wa wituma tumana ko jama ko jani. Mhm. Jewe ngiye ndi semwe ibihumbi byanze. Mhm. Kandi yo kuba kubakozi bari mukore ngo ndoshye bayame bayame. Mhm. Barimo barakora none ngumva ko kugira ngo. Mwumva bakubwira ko barimo ko ubu bahagaritse gukora. Yego ngo bahagaritse ngo turinde nande nayo nitumire ugando mukunwa nararira nayo naya bitengira ngo mwenda zigara. Mhm. Yego ngo yaje ngo mufata ibintu bora yatu barikuru. Mhm. Wituye mu biro nyene vy'iryo shirahamwe nk'ishirahamwe limitere ukaja nko kuri aho ku mugwa mukuru wa Muyinga iryo shirahamwe rirahari ubwiye ukavuga uti nshaka ayo mahera ntabe bago nariko nakubwira nti ugiye nko mu ishirahamwe limitere aho ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga rirahari ubwiye uti nari nshaka gutora aya mafaranga ntabe bago ariko venera uko biri kose niko kumbura abakozi babatayo bariko baratanga baragiye kubaza ico mu ryo shirahamwe naho bakubwira ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga nta kumbure nti wahava uvuga ko wahebuye mu gihe utaraja kubaza aho ikibazo ashobora kiri mwiriyo ninde twakuye Nagashoye kuguma ku murongo insazi 2:38 mwiriyo. Mwiriyo. Ni nda twakuye. Nestori urugenyo sikaro. Nestori Carlos namahoro. Ego turashimye Imana. Amakuru handi yo isanganira itamenye ngo imenyeshe naya. Icyambere twashaka kuvuga. Mhm. Ni cyo nyene kijyanye na limikaje. Mhm. Nukuri ngo babihagaritse iyo protira niba yakuye. Ariko uri kuravuga ngo nukuri ngo nukuvuga yuko ari amakuru babwiwe nabandi ngo wa makuru uzi ayo wiboneye ayo wabwiwe naya oya jewe nabibwiwe urimo aza nyene abikora yambwiye yuko yabisangije ngo rero cyari batatse umugabo nabo nyene ngo babivuye mu ngo kubera bariko barakorera ubusa bumva rero imikere nirabe ingene yobihinyanyura hanyuma basubire ku murimo kuko n'umwe n'igihugu naho nyene ntiyoroherwa na buryo ari bitari byoroshe kurundika amahera no kuyaka. Yego urakoze cyane Nesto. Hanyuma ikindi nacyo ijyanye n'agasukari oya byabaye nabi kabisa bwanse bwose foni yizinze ntiboneka. Yego kumbure ico kibazo kizotora inyishu kuko ngira ngo mwumvise ko nka hamwe mu gisagara ca Bujumbura havuze kwikira tangwa kumbure namwe bwo mu ikarusi izoheza itangure gutangwa ngira kumbure iboneke yego ni barabe gaturumikire no kuri babakoze babakoze kuko kuko bo ni gitumbura ca teke igihuka ni cyayibasha baratuza byose. Yego urakoze cyane Nesta. Murakoze. Isahadze birizirenga 40 isanganiro mwiriwe. Mwiriwe neza. Hello. Miri wanaed. Naba miri. Ninda tuka kwa tuka kwa di. Nkanda iri kwa jana. Jana sa tuka kwa di. Ndi munga kwenda mwiko mwiko mwiko mwiko mwiko. Munga kwenda majae? Munga kwenda mwiko mwiko mwiko. Mwiko mwiko mwiko mwiko ni mwona la yarutan. Duga kwa jambo John. Ya ma kuna mako kuka. Ereke ifumbere. Ifumbere tuta alo. Ena wabuna tuyeke. Ena wana mafisema borudeli. Yoku maka wahera kumba kumba taas. Abaracha ya fi. Ika jitu wala. Ika jitu wala kituwa na wala ita anga. Ito wala watanda tabo. Ena yungu mutoye mwusi kutana wana yo. Mwusi ya jume ngeri kuliko maana. Mungu tu sebab kita nak memperoleh ini faham dengan ini. Mungkin ada yang baru kita anggeri ada apa dah dah. Tapi itu kuli. Anjir ini tu yang hukum mah. Tapi mungkin ada sesuatu yang aku kubur. Hanya macam ini ni. Ini kau ni dia je. Tapi dia ni anggeri siapa yang hukum? Kau tu nak dia apa dah dah. Kau nak siapa hukum? Jadi kita suka. Isu baru dua hari, mungkin semua orang baca dekat. Tiada orang makhluk. Tiada di mana semua. Tetapi yang enggak dia kubang awak hisangkan dia kusyukuri sampai. Yang enggak ini ni ada isu sukar. Isu sukar dia baca dekat, mana jadi orang enggak ada isu jahe. Ya, baik baca dekat itu punya, jangan baca dekat itu kaj. Tapi tu kuli deh, loko. Angin tu kiri kiri kajut, kiri kajut tu tu yang kena tu kajut tu dia. Saya kini sambil mengurus sesuatu makam. Mungkin sebab kita kira orang mereka. Jadi nacho, kita kira itu. Kita buat yang itu itu. Hello. Akan jadi fraud. Nanti orang nombor si itu ni fraud. Jadi nampak ni dia pun kayu kor. Bukan ramu kau yang. Ajaran dari si itu yang kita nak kasih ni dalam dalam kau yang de. Mana kasih si. Mereka juga sih kami, kami tidak dimaklumkan. Waktu mana fakir rumah? Ya, tuan fakir rumah juga yang aku bawa di tangga umum. Orang abe, si cening cara. Atau tu yang aku semak aku itu kasih kami tu kajeng haban. Nanti tu mungkin itu tu maklum aku tu yang aku, tu yang aku sih sih. Mungkin mungkin dia macam orang fakir. Ini cina cawa, ini cina cawa. Urakoze cyane John. Komera. Ugirije rugeza ngaho igitanga. Namwe. Mhm. Sazi bizira ngi minota 44 muri seza handu isanganiro. Mirwe neza. Nashe guma ku murongo ariko turacara indiro du telefone twanyu twakora. Mirwe. Hello. Mirwe neza. Ndikumana neza ati. Nuri ko gine gitanga bari gitanga mutuma mashiga. Mira se tuguma igitanga nyene. Duga kuja ikibazo sise kwa karate nitu kichumba sindi kichumba mwala wakarisa mkakita hinyanyo nimu kitukumba needs sa? Nimu kitukumba needs oya kwe nitu kiyumba needs nga jeni wankunda kutando mbiliza mkubu harikishi na chumba vrema hama kuru singi chumbiliza sindi kichumba ilasuma change wigenda kuti ilasuma Ego kweli madige kwe nga yumbiri takani ni kuiyo minana wikikirite mungango mwoma wikikira na sindu kumele kimeta None i nukupango na jambo nari mge mwumba iyo mwuri kumura yumbiri Bila chii kaguri kanitu yumba neta Ika kumbure awabije jgruna chanchane witkwa François Akimana watazira musawo za zohe tzarabe yongira suwira suzu meneza Ikindi nacho Kwa asawa kabisa kumu shikira nga jugu tunga na kwebe yozara shikino kuko kabisa Akadara kuri kira na ilinu zima andu kungene wiku vila agenda tulawana mego hili agenda ne Ariku buheru kariku inga wako mugwa mkuru inhala ya rutan Nukubako Kwa asawa Hali huwa batando kanya ya wabuwe muliza umakome na zaminga kayobe igiharu niho bari sindi gitanga kumo tanzi Yego kabisa ariko yana se gukozara tugendera ino tukamubona birakomeye. Ku bwanyu mwarimu ushaka yuko yozaramanuka no kugwego gwa komine. Akazaramanuka ino kabisa kugira ngo atarakurikirana naho nyine kumwe rimwe biragenda nkuko atara niyo ataragenderayo. Yego. Urakoze cyane me. Sawa twese cyo giri. Giri joro giza namwe ngahe gitanga. Sawa. Aha, zibiri zirenga iminota 46 ku isanganiro mwiriwe neza. Mwiriwe. Ni nda twakwegaye. Mavugana Josias ari mu gacoko. Josias mu gacoko aho ni mu ntara wiga n'amahoro. Yego n'amahoro twakina. Amakuru zitamenye ngaho mu gisuruga Josias naya. Asa na iyo radio y'iwanyu kandi iyo y'iwacu bimaze hafi n'ibindi bimaze kubira tabumba ku 98 n'ibitatu. Moraba bacha muhatupa cha kasanga lisi jono ni kaya mukabisi gira mu mamutu paje ko ashara wa mtu kawura nye wadu huli angawa kuhira ati yeni bikani ya vizinye kwa wako mbiliza kuhira ati aliko uwe tuvomu kwa hivyo niju kiwato na nisi Urakoze cyane kumbure ababijejwe muzaheza basure basuzume ingene ivyuma bimeze kugira ngo nokuri mwamukoze mu bibinyanyi. Murakoze cyane Jose. Sawa na mugiri bezi sanga kwa tia tezi sanga. Kisati bizirenge minota 47 ku isanganiro mwiriwe. Hello. Ninde twakwiye twakweri? Hello. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Ninde twakwegaye? Yemwe muri komuna Mutimbuzi. Ninde twakuye akazina? Nitwa Claude. Claude Mutimbuzi n'amahoro. N'amahoro. Amakuru tutamenye ngaho muri Mutimbuzi naya. Aho mutamenye Aivi nubibera nga ujavuka mumara mdahano kukiraro. Halo? Ndakumva neza Claude. Ego aivi nubibera kukiraro jawa polisi wa gomba kuguma wa wabata waka wakotira wano wakimigeza amani rikati kwa atira noche. Halo? Ndakumva neza Claude. Ego wakawaho hotira rabata shicho wakawambura. Nuko kubakubita bakabakubita ubwo rero mwadushikiri mwashikimbere mukabimenyesha chef de zone n'utwarije gipolisi ajya kumubona urumva bazababwiye kumubona. None abo bapolisi nimba atari kuba rengere ry'umunani hari ubwo bamaze gutwara bamaze kumutwari urumva barabafata nk'ababwira ngo amasaha yarenze hanyuma kubahohotera kuba kurimo haba ari sangapi Mama sizere urumva urabona hari naho gukwirana no kugata. Yego prema birateye gakishabu. Kandi urumva hari naho bacha bakana amafaranga. Yego bakana barenga. Yego. Ni kukiraro kija mu marambi. Ha umuciye kumubone. None mwoho ku rwego rw'iwanyu nk'abanyagihugu bumaze kubona ubarabuhotewe n'abantu zarabize abasegiteri arabizi. Ego no kuvuga yuko amasaha iyo bugorovye nta usura kuhaca oya byema biragora n'urumva n'ukwigenza kuba kuri murazi umupolisi amaze gukwigenza akaba kwigenje ko nyene. None abamaze abo mwavuze ngo harabo bamaze gusahura bamaze gusahura bamaze kubasahura iki ambo rega ni urumva barabafata bafise umfisi moto uri kurata. Ama urumva cha kurenganya nyina akakubwira yuko agiye kwicunga n'amasaha nta barakwira. Nta ariko iyo atari moto nta kindi Uyihero naho nabo bakamahera babigenza ko ngozana buranga muntu bakabwerekana ngo umupolisi amaze kukwicarika bamaze kukwicarika. Urakoze cyane Claude. Namwe murakoze. Mugire joro gira. Muze mutuvugire mudushikire imbere kuhera ibi bintu bya TC. Oya yakumbure namwe bwe ngaho aho mwabishikirije kuri radio kandi abo vyega bikaba ari byo.

Niriwe. Ninde twakuwe? Ndeze Bujumbura. Ndeze na mahoro. Simimana imurdende. Amakuru utamenye Bujumbura naye hagadete. Amakuru utamenye natanye ni ibintu byo kwiyunguruza. Baza umuzi wa gatandatu hari umuntu yaratwunguruje urabona ko bavuze ngo ibizi ngo isubire ku majana ane yahorako. Baza bari yari isa amajana atanu ubwiza urashavuga yacavuga uvuze yacava ngo ugenda witware ngo ukabona ko wakurenganije. Nyine agaca avuga nyine aduzi ry'urabona ari kuri voro cumenga ari mu ndege urumva usanga bidasa neza. Ngo nuko ngo ntabyo ngo baramenya ngo impaka bivuge ngo ku radiyo y'igihugu ngo atarahoye ngo impaka amajana atandatu boraba ambari yo atrabu nyene hagize ibintu bihinduka bakabivuga kuko urumva uri nk'umwenegihugu muri nk'abantu nka babiri cyangwa bane urumva abarenganije ku ijana ijana urumva n'abari makeyi kandi byavuzwe impaka ngo birinde kumenyekana ngo atari ngo hariho hose. Bamwe barabyakiriye urumva ntawarira n'umuhamba urumva usanga ariyo atari boza bararaba nyine bakisubirako. Ibindi amakara nayo Bujumbura Vermas ikirenga ruguru bavuga ko ataye ariyo n'iki gitaro urumva baca bavuga ko amakara yarazimbye ubwo abakiriya baza barabyakira kweri n'agasukari barabe mu kiganganzi w'ubudanda zarabe agasukari twakabuze ngaho mu gisagara aho nsanzwe ntumbereye. Amakara agurwa gute ubu muri kino gihe kadete? Amakara amakara yarangurwa nk'ibihumbi nka 35 36 ageze ku 40 nenga kuduhera tugereranye urumva umuntu ariko arayapima abakiriya cyaguma bidodomba ngo umuntu arabazimba. Urumva rero nuko bimeze rero barabe urumva guru urumva ni kuraba umuntu yateye dutera ibiti dutera ibiti dutera ibiti ubwo waba dutateye ibiti urumva si byiza si byiza ibiti guru ngo byarahetse nicyo gitoroboye kubera cyaduze urumva bica bikomeza. Mugabo urumva arazimba mugabo akaboneka aboneka nabi nawe urumva udafite nk'umuntu atukuzanira kuko urabona ubu bafashe inkingo amakara aboneka mu ijoro udafite nk'umuntu nyine w'indani kuva kuronka wumva bica bigora. Ama mugire ama ikindi akindi nacyo ashe ibintu bya korona musanze mu masengero amwe amwe ubundi bakibyubahiriza mu bihe ku Noweli nta usengera ntiwinjira atagapfukamunwa uvize mu gubu wembo nabinjira asize ko yagabanutse sinzi muri adutohoretse. Ama mugire akazi keza nka kuri radiyo na televiziyo isanganiye nawe ugira ibihe byiza. Uminota nk'ibiri tuzaturangije kino kiganiro mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye junior mu ntara ya Bubanza n'amahoro n'amahoro duga ku ijambo jeni ijambo Kuwashimye uko twebwe abanyagihugu mutwa kaganiro tutasubira kubihatiyeho nico tubereyeho guha ijambo bose yego nanjwe ndabashimiye kuko mwitwarika natwe tukabashikiriza ibyiyumviro tuba dufite muntaya wazira akasukari nuko natwe karatukora rwose ukuri warabaye nk'umuti wibuye ugiye ugahika ntukabona nanjye moto twahita kumushyira nganje w'ubutanda ati icyo yodufasha tukazisakaroza kandi nawe ukatoka tujyohere kuko igitano mwaduha byaduhimbara mugabo rero nanjye nari ngito nkinga ntakumva neza ndakarondera numva biguma ariko ubukumbure Imana ishimwe wumva kuri kurayumva warumaze iminsi wirondera ariko ntuyitora ariko burayumva uwanyuma mwiriwe uno munywanyi mwiriwe neza mwiriwe halo mwiriwe neza ni imwe murangije kino kiganiro ugabanya ka radio kawe ninda twakuye twakuyari he halo ninda twakuye twakuyari he Elias atakuyari he na kuri kirere vuga izakuba umwe amakuru zitamenya ko bubwa naya nagomera amenyeshe nuko mvuga ko bumwe arabaye umudandaje n'umugodi bashwanye anoye gutwana cyo ndika cyenyo yari yacyategeka ko uwo muntu abamukubita baca mukana hepfo y'ikaburimbi barakubita no kumubona baramubona ibitugu hakubiswe umuguzi cyangwa umudandaza hakubiswe umuguzi hanyuma mbere no mukubwira abanyagihugu barasiba abantu bakubwira batabare ariko se vudika cyatse babwira yuko acaba kubita agaca birukana imvo zarizi sa imvo zatumye bashwana zarizi no kuvuga umwe yadandaza utuntu two hasi ibintu by'ibijumbu rero umuguzi yagiye kugura abantu bavugana ati wowe ntiwasubiza amahera ntiwasubiza amahera niko byagenda hanyuma bamaze gukubita umunyagihugu umugenera ngani wahapfu yaraza aratabara agiye kuvuga ati wowe nawe ubuze kuvuga ati nawe ufite gukubita uwo munyagihugu rero baramujyanye kuri medese kuwa mungu kuri medese baranga kumuvura kuko yaravunitse igufa ryaha ku maboko bacamusaba yuko yotanga ibihumbi amajana ndi buriya ayo mera kirabura ubu rero nyamunyagihugu arahakuba umwe niho yicara yukubura yatanguye kubora rero tugasaba ababishoboye yuko botabariza uwo munyagihugu dore ku mukuru w'igisagara hanyuma nase byashifashe kubwira umunyagihugu avugwe muvuga ko yakubiswe na segiteri canke urongoye karti sa muvuga ko yakubiswe nande na chef de quartier yitatira gihugu kamana Fabrice ahubwo ibyiza ni uko mwebwe nyine mwushika ngaho aho ku bumwe n'aha hasi n'aha haruguru mukitoreza izo nkuru mukaya ko kamaramaze yego mwaba mukoze chef de zone ararid twaramutefe turayemo nashoye kuma ku murongo ariko amakuru yari karashikiriza yumvikanye Elias ni hano rero duce turangiriza no kino kiganiro gira nako ahiwanyu havugwa makitwe ariko turabashikiriza ndashimiye mwe mwese mwatwakuye mwe mwese mwaduteza biri mwakenuye Elias Kadoga ya muhinga bw'ivyuma Irene Bell nibigira kuri micro ndafurije kugira ibihe vyiza mukanyisa se Jean Marie Mayonga bashikiriza makuru muri mwe kirundi ahanje tuzosubira ubukurikira wanyu havugwa maki nta mwanya afite kumenya ibyo muri karitije ntavyo ingurane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse naho ufise imbyaro zingana gute ni kubujya guma kubona yuko umenga uri umucavu ibishobotse amaradiyo yodufashe